Jack London, naissance d'un écrivain. He was a man and a friend always. He stuck with me in the hard old days. He never cared if I had no dough. We rambled round. Jack London a 21 ans quand il embarque pour le Klondike, à l'extrême nord-ouest du Canada. Ils sont 100 000, comme lui, à rêver de trouver là-bas l'or qui fera leur fortune. Pour Jack, l'histoire de cette 9e croisade durera un peu plus de 12 mois, de juillet 97 à août 98. Le temps de confondre le mica avec l'or, de faire connaissance avec les indiens, les loups, les chiens de traîneau, et d'attraper le scorbut. Le temps surtout de rapporter dans sa mémoire et dans son corps des gisements d'un or invisible, l'inspiration. Celle qui va nourrir son cerveau, en faire le dépositaire du roman blanc du Grand Nord. Mine de sensations, de visages et de paysages. La manne inespérée qui le propulsera vers la célébrité. De trappeur de peau, il deviendra attrapeur de mots. Un écrivain que le monde entier va découvrir et admirer. Les hommes, en creusant la terre obscure, y avaient trouvé un métal jaune, enfoncé dans le sol glacé des régions arctiques. Et les compagnons de transport ayant répandu la nouvelle à grand renfort de réclame, les gens se ruaient en foule vers le nord. Et il leur fallait des chiens robustes, aux muscles forts pour travailler, et à l'épaisse fourrure pour se protéger contre le froid. Des hommes et des chiens, ces couples qui filent sur les traîneaux chargés du matériel de la survie, qui glissent sur les sentiers vierges au-delà du froid, là où la glace et la neige ne tracent aucun chemin, aucune route, dans des paysages troublés par les seuls aboiements de la meute et du hurlement des loups qui attendent la nuit. Chantaient leur éternelle lamentation. Les harnais des chiens craquaient. Les cloches des conducteurs tintaient. Les hommes et chiens étaient harassés. Et nul ne faisait entendre le moindre son. Car une épaisse couche de neige récemment tombée rendait la route plus pénible à parcourir. Ils venaient de loin et l'obscurité arrivait. Mais il n'y avait pour le moment aucun camp adressé pour la nuit. Au milieu d'une atmosphère absolument calme, la neige continuait à tomber, non en flocons, mais en cristaux transparents d'une délicatesse infinie. Ce jour-là, ils avaient fait 40 miles, car la voie était frayée. Mais le lendemain, et bien des jours encore, ils durent pour établir leur propre piste, travailler plus dur tout en avançant plus lentement. En général, Perrault précédait l'attelage, tassant la neige avec ses patins pour leur faciliter la route. François maintenait la barre du traîneau et changeait rarement de place avec son compagnon. Perrault était pressé et se targuait de bien connaître la glace, science indispensable, car la couche nouvelle était peu épaisse et sur de l'eau encore courante, il n'y en avait pas du tout. On levait toujours le camp dans l'obscurité. Et les premières lueurs de l'aube retrouvaient les voyageurs avec leur traîneau déjà en marche, ayant un certain nombre de miles à leur actif. D'habitude aussi, on dressait le camp à la nuit noire. Le thermomètre marquait moins 20. Il fallait que l'espoir fût grand. Il fallait que la misère soit immense pour que des hommes s'infligent sur les pires sentiers du globe de si cruelles morsures. pour notre baroudeur des neiges, le futur écrivain. Cette épopée du Klondike conjugue les deux grands thèmes sur lesquels London reviendra sans cesse par la suite. La folle conduite du troupeau humain et la terrible beauté d'une nature étrangère à toute pitié. Ce qui ne le fera nullement dévier de la ligne politique et sociale de son engagement, car c'est dans les circonstances extrêmes que se manifeste avec le plus de force le besoin de solidarité. Il s'en rend compte en voyant vivre là-bas les Indiens du Grand Nord et en se mettant à leur écoute. La matière humaine est la seule substance qui l'intéresse. Il lui suffit pour s'y frotter de s'engouffrer dans le premier saloon ou de pousser jusqu'aux tentes des villages de chasseurs qui s'abritent encore aux lisières de la forêt. Auprès des soulards, il apprend et continue d'apprendre les mauvaises chansons de la vie, les rêves déçus, les espérances peu avouables. Auprès des Indiens, il découvre des secrets qui dépassent les mots et s'étare d'accepter la mort en s'en remettant aux lois inflexibles de la nature. Comme s'il avait programmé depuis toujours une esthétique de l'existence, le conduisant à faire de sa vie l'œuvre dans laquelle il puisera les 50 romans à venir et qui vont s'écrire en exactement 15 années d'existence, celles qui lui resteront à vivre après son retour, Jack London poursuit là, dans le Grand Nord, le dernier grand épisode de sa vie œuvre, de sa vie chef-d'œuvre, une confrontation sans pareil avec la nature la plus farouche et la plus hostile qui soit, afin de parfaire sa connaissance de l'extrême, celle des hommes et de l'animal, alliés objectifs de leur survie, les Indiens du Grand Nord avec les chiens et les loups qui le peuplent. Qu'il avait quitté depuis si peu de temps, avec ses nations industrieuses et ses vastes entreprises, lui semblait déjà loin. Parfois des réminiscences le hantaient, souvenirs de marchés publics, d'expositions, de rues populeuses, de toilettes, de soirées, de fonctions sociales, d'hommes honnêtes et de femmes aimées qu'il avait connues. Mais c'était là comme les souvenirs confus d'une vie qu'il aurait vécu des centaines d'années auparavant, sur une autre planète. Cet orpailleur des âmes qui se réclamera disciple de Zola, de Stevenson, de Kipling, a finalement choisi la meilleure université qui soit, celle de la vie. Il est persuadé, il a décidé qu'il serait écrivain. Ici, il le sait déjà, et les dés sont prêts d'être jetés. N'oublions pas que dans exactement 18 mois, Jack London va connaître une notoriété fulgurante. En fait, ici, il est très peu chercheur d'or. Il a construit une baraque au bord de la rivière Yukon, à quelques miles de Dawson. S'arrêtent là des égarés, explorateurs ahuris, arrivés tout droit d'une ville et soumis aux pires conditions climatiques de la planète. Très vite, il s'est aperçu, avec le sol gelé sur plusieurs dizaines de centimètres, qu'il y avait dans ces conditions très peu de chances de trouver l'or qu'il était venu chercher, avec les 100 000 autres paumés, ses compagnons d'infortune. Alors il écoute, il se rend de sénette en sénette, écoute les Indiens, regarde les chiens, fait son travail d'explorateur et il lit. Dans sa tonne de bagages, coincée entre une lampe à gaz et deux paires de raquettes, il y a l'origine des espèces de Darwin, la capitale de Marx, paradis perdu de Milton, et philosophie du style de Spencer. Comme lors de l'escapade en train et sur la route, pour la deuxième fois, London tient un carnet de bord. Il écrit, note, imagine les débuts de ses prochains romans. Sa cabane est rapidement un lieu où l'on aime venir parler, se réfugier, confronter les idées. Pour lui, tout paraît nouveau et comme tous les grands écrivains, il a une immense capacité d'émerveillement. Rien n'est sans importance, un jeu de cartes, une discussion, le soleil glacé de midi, pâle au-dessus des collines. Tout l'occupe, la nuit, les neiges en tourbillon, les bagarres de chiens, le fleuve à marée montante ou en train d'être pris par les glaces, tout le rend haletant et impatient. La compagnie de Jack était reposante, stimulante et reposante. Il ne s'arrêtait jamais pour calculer le prix des choses ou rêver des profits à venir. Il était toujours prêt. Qu'il s'agisse d'aller dénicher des livres dans les camps, d'aider à transporter du bois ou de faire une randonnée pour trouver du tabac lorsque nous en manquions et que nous étions grincheux et énervés. Que le service fût important ou non, qu'on lui demandât ou non, il payait non seulement de sa personne, mais donnait tout ce qu'il possédait. Son visage s'illuminait d'un sourire qui n'était jamais indifférent. Dans le supermarché qu'est le monde pour un écrivain, on peut dire qu'ici, aux confins de l'Alaska, London procède à son ultime grand approvisionnement et remplit son dernier caddie de sensations. Les années d'apprentissage vont bientôt prendre fin, et il va falloir restituer ce que la nature, le genre humain, la compagnie des hommes lui ont offert. Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time buying bootleg liquor. Champagne and wine. When I begin to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows. When you're down and out, in my pocket not one penny, and my friends I haven't any. But if I ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a nobody knows you when you're down and out. I mean, when you're down and out. Il passait ses nuits dans les tripots à regarder les joueurs et à prendre des notes. En écoutant les trappeurs et les anciens chercheurs d'or qui avaient été en Alaska avant la découverte du Klondike, il recueillait les premiers renseignements sur l'authentique histoire de ce pays. Il savait quels étaient les matériaux dont il avait besoin et il savait où les trouver car il préparait non seulement ses premiers romans, mais aussi une enquête scientifique et méthodique qui devait enrichir la dernière partie de son œuvre. L'Alaska n'est ni un centre diététique ni une villégiature de tout repos. Ici, l'organisme subit de telles contraintes climatiques qu'il s'affaiblit partout, que ses défenses immunitaires s'engourdissent et en toute logique, malgré sa robustesse et sa résistance, London tombe malade. Il attrape le scorbut lié à l'absence de fruits et de légumes. Son visage se couvre de plaies, ses dents s'atrophient. Les Indiens lui donnent à manger des pommes de terre crues, ce qui paraît-il est le médicament naturel approprié. Malade, alourdi de seulement quelques grammes d'or, Jack abandonne le Grand Nord, les loups et la glace. Il s'imagine dormir dans un vrai lit, flâner sur les quais de la baie et retrouver Mabel Applegarth. Pour gagner mon voyage de retour, je dus m'embaucher à bord d'un vapeur comme déchargeur de charbon de la mer de Bering à la Colombie-Britannique, et de là, voyager dans la timonerie jusqu'à San Francisco. On comprendra sans peine que je ne rapportais du Klondike pour toute fortune que mon scorbut. En arrivant chez lui, Jack London apprend que son père adoptif, John, vient de mourir. Il en est très ébranlé car cet homme ne lui aura offert que tendresse et bonté. Mais la crise économique, elle est toujours là et il doit faire front à sa nouvelle responsabilité de chef de famille. Sa mère et un enfant qu'elle a adopté. La galère est au rendez-vous, mais London a l'habitude. Il aimerait pourtant que tout cela cesse et qu'enfin il puisse se consacrer à son unique passion, l'écriture. Nous sommes fin 98, il a 23 ans. Je me fis inscrire dans 5 bureaux de placement. J'insérai des annonces dans 3 journaux différents. Je relançai les quelques amis qui auraient pu me tirer d'embarras, mais je les trouvais indifférents ou incapables de me procurer le moindre boulot. La situation était désespérée. Je portais au clou ma montre, ma bicyclette et un imperméable dont mon père se montrait fier et qu'il m'avait légué. Ce fut d'ailleurs le seul héritage de ma vie. L'usurier me prêta $2 dessus. Il en avait coûté 15. Mabel et Edward, ses amis, donnent un dîner pour fêter son retour. Il revoit beaucoup de gens qu'il connaît, les prend à part pour leur demander un job, mais rien. Quand les invités sont partis le soir, il reste avec Mabel, et après ces mois de désert blanc, il la trouve plus belle que jamais. Elle joue pour lui le Wagner de leur première rencontre, un parfum de femme, des paroles raffinées, un piano. Depuis un an, il n'a rien connu de pareil. Mais au fur et à mesure des mois, Mabel va clairement déclarer à Jack que le métier d'écrivain n'est pas sérieux. Et lorsqu'il lui fait lire les nouvelles écrites sur le Yukon, les loups et les chercheurs d'or qu'il tente désespérément de faire publier, elle trouvera son style trop cru, naturaliste, loin de ce qu'elle souhaite trouver dans de la fiction, c'est-à-dire de l'élégance et de la bienséance. Jack lui parle pour la première fois de mariage. J'ai 3 ans de plus que vous. Taisez-vous. Vous n'êtes qu'une enfant et j'ai au moins 40 ans d'avance sur vous par l'expérience. Lorsque le soir elle parle à ses bourgeois de parents, progressistes mais bourgeois, des intentions de Jack, ils ne sont pas franchement heureux. Et en fait pas d'accord du tout. Qu'est-ce qu'il a à t'offrir? Il est rude, bourru et tu es toute délicatesse, tout raffinement. Ce n'est pas un parti pour toi. Il ne pourra jamais subvenir à tes besoins. Nous ne sommes pas obnubilés par la fortune, mais tout de même, il te faut un certain confort, c'est-à-dire un mari capable de te le procurer, et non un aventurier sans le sou, un marin, un cow-boy, un contrebandier, et Dieu sait quoi encore. En plus, c'est une tête de linotte, et un irresponsable. La jeune fille gardait le silence, reconnaissant que tout ce qu'elle entendait était vrai. Il perd son temps à essayer d'écrire. S'imaginant peut-être qu'il parviendra à accomplir ce dont seuls sont capables les génies et quelques rares lettrés. Quand un homme songe au mariage, il doit s'y préparer. Mais lui, que fait-il? Je te l'ai dit, c'est un irresponsable. Pourquoi en serait-il autrement? Les marins sont comme ça. Il n'a jamais appris à être économe ou modéré. Ses années de bohème l'ont marqué à vie. Ce n'est pas sa faute, bien sûr. Mais ça ne change rien à l'affaire. Et as-tu pensé à toutes les débauches auxquelles il s'est forcément adonné? As-tu pensé à ça, ma fille? Dynamisé et enivré à l'idée sans doute d'épouser Mabel prochainement, Jack ne cesse d'écrire, 15 heures par jour, comme à son habitude. Il envoie les paquets par la poste, les reçoit quelques semaines plus tard, sans chèque, ni promesse, ni le moindre encouragement. Il parfait ses lectures, se plonge dans Shakespeare, Goethe et Balzac, ce triumvirat génie, ainsi qu'il les nomme. Spencer et surtout Nietzsche exerceront aussi leur influence. Bien que celui-ci ait condamné tout socialisme comme un gouvernement d'individus faibles exploitant la faiblesse des masses, London, qui n'est pas une contradiction près, se voyait bien en surhomme, capable de surmonter tous les obstacles, un géant qui finirait par s'imposer aux masses en les instruisant et en les dirigeant. Il réussit de nombreuses années à enfourcher ces deux chevaux contradictoires de socialisme et individualisme qui tiraient chacun dans des directions opposées. Après tout, il y avait là en gestation les termes d'une social-démocratie en train de se dessiner. Les mots étaient pour lui les plus belles choses du monde. Beauté des mots, musique des mots, puissance, mordant aux finesses des mots. Il lisait les lourds et savants ouvrages avec un dictionnaire à portée de main, notait sur une feuille les mots qu'il ne comprenait pas et la glissait entre le cadre et le miroir de son bureau de manière à les apprendre par cœur pendant qu'il s'habillait ou se rasait. Il en fixait des listes entières sur un étendoir de façon à voir les nouveaux mots chaque fois qu'il levait les yeux ou circulait dans la pièce. Il embourrait ses poches et les lisait en marchant dans la rue lorsqu'il se rendait à la bibliothèque ou chez Mabel, les marmonnait entre ses dents pendant les repas ou au moment de s'endormir. Les périodes les plus critiques pour l'apprenti écrivain sont les longues et douloureuses mortes saisons où l'on ne voit jamais venir un chèque des journaux alors que tous les objets de quelque valeur ont pris le chemin du clou. Pendant presque tout l'hiver, je portais mon costume d'été, mais l'été suivant, je passais une période la plus dure de toutes, surtout à l'époque des vacances, où les manuscrits restent dans les tiroirs des bureaux de rédaction jusqu'à la rentrée du personnel. La tâche était d'autant plus ardue que je n'avais personne pour me conseiller. Parmi mes amis, pas un seul qui avait écrit ou tenté d'écrire. Néanmoins, je découvris que pour réussir dans la profession d'auteur, il me faudrait désapprendre tout ce que les professeurs de littérature de l'école secondaire et de l'université m'avaient enseigné. He was a man and a friend always. He stuck with me in the hard old days. He never cared if I had no dough. We rambled round in the rain and snow. And here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring you joy. Here's to you, my rambling boy. C'était Jack London, Naissance d'un écrivain, par Yves Simon, avec les voix de Stéphanie Chevrier, Jean-Claude Dauphin et Bernard-Pierre Donadieu. Réalisation, Marie-France Nussbaum. Prise de son et mixage, Pierrick Charles et Cécile Dume. Équipe de réalisation pour le feuilleton, Philippe Baudouin, Bernard Laniel et Catel Guillou. Cette émission a été diffusée une première fois sur France Culture en août 2001. We'd rather bum. And here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring you joy. Here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring you joy. Late one night in a jungle camp, the weather it was cold and damp. He got the chills and he got them back. They took the only friend I had. And here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring you joy. Here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring you joy. He left me here to ramble on. My rambling pal is